J'ai une carte de visite chargée par rapport au sujet. Donc, autant le dire, je suis tout ce qui devrait changer, c'est-à-dire 45 ans de Conseil d'État, du cabinet ministériel. Celui qui vous parle à la fois a une expérience et est conscient d'illustrer ce qui est souvent critiqué ou en tout cas avec une volonté de changer. En même temps, j'ai été professeur d'université associé pendant 15 ans. J'ai présidé l'Institut Pasteur dans le monde de la recherche la plus dure. Ça ne veut pas dire avec toujours des succès, mais enfin, une grande maison de sciences pendant 6 ans. J'ai été président du comité scientifique de l'INESJ, qui fait la recherche en matière de sécurité et justice, une des choses qui m'a le plus passionné. Donc, j'ai été assez diversifié, mais à partir d'un corps, le Conseil d'État, qui nous ramène à notre sujet. Alors, comme j'ai trouvé très intéressant ce qu'a dit Mme Galli, je réagis juste, quitte à en revenir dans la discussion, le marché des hauts fonctionnaires, notion que vous utilisez oralement et puis que j'avais lu dans vos articles, pour moi c'est un peu Coq en stock de Tintin. Vous voyez le trajet des esclaves portés sur le marché. Le marché, il peut y avoir du dumping, il peut y avoir de la concurrence, il peut y avoir du monopole. Où est l'autorité de régulation de la concurrence dans le marché? Je ne sais pas si je vais faire mon marché quand je recrutais mes collègues, quand je présidais la section de l'intérieur du Conseil d'État. Mais c'était un point d'interrogation. Le temps long, ça me plaît. Moi, je, dans mes travaux sur la fonction publique, je commence par l'excellent livre de Bruno Dumézil, de la famille du Grand, sur « Servir l'État barbare dans la Gaule franque », 4e à 9e siècle. Absolument lumineux sur les constances de l'élaboration de technocrates au service du prince. Et naissance très lointaine de ce dont on discute aujourd'hui. Et puis, je l'avais jointe à mon traité sur la déontologie des fonctions publiques, les superbes textes d'ordonnance sur la réformation du royaume de Saint-Louis à la fin du XIIIe siècle et de Philippe le Bel, son petit-fils, 1303. Moi, quand j'ai des problèmes déontologiques, je lis Philippe le Bel. Donc, avec tous les principes de la haute technocratie, mot que j'utilise assez rarement, mais en tout cas, les grands principes du service public de responsabilité, vous l'avez très bien traité, et c'est une langue assez compréhensible de tous, qui ne jargonne pas, où on sent l'autorité de l'État, et là, c'était centralisé. Vous avez aussi parlé dans votre temporalité longue, que j'ai bien aimée, parce qu'on ne comprend pas la fonction publique si on ne se situe pas en temporalité longue, sur l'idée que des corps comme celui que j'ai l'honneur d'avoir servi longtemps, à toutes les fonctions sauf la première, il faut toujours émettre des regrets, je n'ai pas été vice-président du Conseil d'État, mais j'ai fait tous les métiers du Conseil d'État, dire qu'il a retrouvé sa dynamique, contrairement à l'esprit de 1945, je dis tout de suite, parce que je trouve que ce n'est pas assez dit, la force de l'ENA, c'était tout simplement de forcer les corps à accepter des gens qui n'avaient pas choisi. Ça se dit en français très, très simplement. Moi, je n'ai pas été choisi par le Conseil d'État. Quand je suis arrivé au Conseil d'État, j'étais totalement inconnu par rapport à des fils d'eux ou à des gens qui étaient à la quatrième génération de haute fonction publique. Donc, et pour moi, la force du Conseil d'État ou la force de toute institution, j'aime plus parler d'institutions tournées vers leur fonction que de corps, c'est d'être contraint à accepter des gens qui n'ont pas choisi. Je me méfie des auto-recrutements. Et d'une certaine façon, je pense que la réforme actuelle concourt à retrouver de l'auto-recrutement contre l'idée qui avait brisé les thés et les cafés qu'on prenait quand on présentait le concours du Conseil d'État ou de la Cour des comptes avant l'ENA. Alors, l'ENA qui est sacrifié, il faut des boucs émissaires souvent, il y avait des hôtels de sacrifice dans beaucoup de civilisations, avait pour moi cet élément. Elle prenait n'importe qui, y compris des boursiers et des gens de famille modeste, et elle imposait au corps une certaine diversité, parce que ça leur arrivait avec des profils différents. Vous avez parlé très bien dans de l'exécutif et de la tentative ces dernières années de centraliser. Ça fait pour moi référence au symbole du décret sur la nomination des directeurs d'administration centrale de ces années 90, où maintenant les ministres, et bien sûr le Premier ministre et le Président de la République en Conseil des ministres, ne nomment pas un directeur d'administration centrale sans qu'il ait été soumis à une commission présidée par le secrétaire général du gouvernement. Et là, il y a une vision que je ne partage pas, de centralisation où le secrétaire général du gouvernement aurait la lumière sur tous les directeurs d'administration centrale et aurait en fait la main sur les secrétariats généraux de ministères. Secrétaires généraux de ministères qui sont une vieille aventure. Il y avait des secrétaires généraux dans les années 20 ou dans les années 10 dans les ministères. Mais c'est une vision que je trouve un peu technocratique de centralisation par rapport à la responsabilité politique du ministre dont je suis un défenseur. C'est peut-être que j'ai fait quand même 11 ans de cabinet auprès de ministres qui n'étaient pas n'importe qui, et je pense que la force politique, je suis aussi membre du conseil d'administration du musée Clémenceau, quand on analyse la force politique, la force de dynamique et de dérangement qu'ont les vraies femmes et hommes politiques, on peut penser que cette centralisation au niveau technique peut au moins être discutée. J'ai bien aimé que vous mentionniez Gilbert Santel. Gilbert Santel, que j'apprécie beaucoup et que j'admire, venait derrière toute une série de grands managers des ponts qui avaient su prendre la réforme de 1983 à laquelle j'ai participé de la décentralisation, qui perturbait complètement un des grands corps de la fonction publique française, les DDE. Et donc, il a fallu absolument, sous l'effet de la contrainte, c'est pas des flammes qui sont descendues sur les têtes, qui ont dû réorganiser le corps des ponts. Et de ce fait, il y a une école de Gilbert Santel et de ses pairs qui a été très importante dans la fonction publique française, parce qu'elle est née de la pratique et de la réaction à un mouvement politique, la décentralisation, pour faire ce qu'il fallait faire. Vous avez parlé de la mise en œuvre et du fait que les grands corps sont exclus. Je serais plus nuancé. Je pense qu'ils ne sont pas exclus, puisque je déjeunais l'autre jour avec des auditeurs au Conseil d'État qui entraient au Conseil d'État après 2 ans de fonction sur le terrain. Les décrets de 2022 et 2023 sont appliqués, et c'est pas rien d'arriver au Conseil d'État déjà avec une... Donc ça, c'est une modification, moi, qui me va bien, mais qui est une vraie modification. La modification qui ne me convient pas, c'est que, du coup, le corps retrouve le contrôle de son choix. C'est-à-dire, il reçoit des candidats, il fait une commission présidée par le vice-président du Conseil d'État. C'est du pur 1935. Alors, si vous me laissez quelques minutes, je voudrais, parce que Mme Galli a très bien parlé, et puis vous connaissez toutes et tous beaucoup mieux que moi ce sujet, je voudrais juste m'arrêter quelques secondes sur 9 mots. 4 mots plutôt négatifs, 1 mot transition et 4 mots plutôt positifs. Parce que je crois beaucoup à la portée des mots. On se gargarise beaucoup de qualifications. Je suis un orfèvre de la qualification juridique au Conseil d'État. C'est-à-dire qu'on prend un fait, on le met dans une boîte, l'opération intellectuelle du droit. Et la fonction publique adore ça. Les corps, c'est des boîtes. Le premier, c'est « haut ». Je récuse totalement le concept de haute fonction publique. Alors, je ne vais pas le développer. Lisez mon livre « La société du dédain ». Lisez Kurt Tucholsky, qui se suicide en Allemagne juste à l'arrivée au pouvoir de Hitler, qui a fait une page que je cite dans mon livre absolument désopilante sur cette auto-gargarisation en Allemagne, Herr Doktor, ici, haut fonctionnaire. Vous avez déjà vu quelqu'un se présenter « Bonjour, je suis bas fonctionnaire ». Eh bien, quand il n'y a pas de négatif d'une notion, il faut se méfier. Donc, Moi, je pense que d'ailleurs, quand vous googlisez, puisque maintenant, même moi, il m'arrive de le faire, ce qui est quand même assez grave, je ne trouve pas le mot fonctionnaire. Tapez sur les bases juridiques, vous allez trouver haut fonctionnaire de défense, ce qui est quelque chose de précis. Vous allez trouver haut commissaire, ce qui est aussi quelque chose de précis. Vous ne trouvez pas le mot haut fonctionnaire. Et c'est de l'auto-gargarisation de la fonction publique de se parer de ce terme haut fonctionnaire qui contribue aux coupures que je décris dans ma société du dédain. Donc, on a assez de mots pour dire fonctionnaire de souveraineté si il y a le mot haut fonctionnaire apparaît. Pas dans n'importe quel texte, dans l'ordonnance de 45 de Gaulle sur la fonction que vous avez citée, la direction de la fonction publique et de l'ENA. Mais il cite haut fonctionnaire dans la présentation du décret, pas dans le texte, et puis il le suit immédiatement de quelque chose, alors du coup qu'on a totalement oublié, les hauts devoirs. 1945, c'est haut fonctionnaire et haut devoir. On a complètement oublié les hauts devoirs et on se gargarise de haut fonctionnaire. Je ne vais pas pousser plus loin, mais il faut lire de temps en temps la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, pas celle de 89, mais celle de 1793, du 2 juin. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires, c'est de la réforme de la fonction publique actuelle, hein, la Convention. Elles ne peuvent être considérées comme des distinctions, ni comme des récompenses, mais comme des devoirs, aux devoirs de Gaulle. Il y a quand même des constantes dans le temps long. Le vocabulaire de la Convention, je ne suis pas du tout conventionnel, mais le vocabulaire de la Convention mérite quelquefois d'être relu. Alors, par contre, si on se débarrasse du grand, si on se débarrasse du haut, on tombe sur le grand. Alors, le fonctionnaire, il adore être un grand fonctionnaire. Et j'ai participé, parce que je tolère la notion de grand commis, avec sa notion d'oxymore. Commis, c'est subordonné, c'est commis de ferme, commis d'administration, saute-ruisseau, et puis on met devant grand. Alors, grand-petit, vous voyez, c'est... Donc, je vous renvoie à ce colloque, c'est pas parce que j'y ai participé qu'il est grand, ce colloque, mais il y a quand même des notions et un débat sur ce qu'est un grand commis, c'est-à-dire une grande responsabilité, mais profondément la notion qu'il est commis. Et que, quand il est commis, il peut ne plus être commis. Et on retrouve la mobilité d'aujourd'hui. Je ne développe pas plus, j'y reviendrai si ça vous intéresse. Mais déjà, on voit qu'il y a toute une histoire. Et pendant toutes mes années au Conseil d'État, mon défi était de faire mentir Balzac, qui définit le Conseil d'État comme un pâturage administratif, où on met, à paître des bons sujets. Alors, c'est dans les employés. Deuxième mot, rentier. Que n'ai-je pas entendu sur les rentes de la haute fonction publique ? Une manière de caricaturer et de mettre l'opprobre sur ces fonctionnaires. Ça veut dire aussi que, pour contredire cette impression que la fonction publique de responsabilité en France est rentier, ça veut dire qu'il faut faire attention au mode de recrutement et faire attention aux durées de fonction et à la manière dont on rend compte. La Déclaration des droits de l'homme, celle de 89, dit « rendre compte ». Je dis souvent, et je m'applique ça à moi, que quelqu'un arrivé à 50 ans dans la fonction publique, qui n'a pas, et là j'avoue avec fierté que je coche toutes les cases, qui n'a pas été entendu par un juge d'instruction du fait de ses fonctions, entendu devant une commission d'enquête parlementaire, fait l'objet d'une campagne de presse forcenée, et entendu par la Cour de discipline budgétaire quand elle existait ou la Cour des comptes, n'est pas tout à fait un responsable. Donc, rentier, il faut se dire que c'est rentier, mais un peu à risque quand même dans la fonction publique. Parce que quand il arrive un crash, le ministre dit « Ah bon, mais je ne savais pas ». Enfin, les ministres, les petits ministres, les grands ministres, ils vous convient et ils posent en photo devant vous en disant « Le fonctionnaire a travaillé sur mes ordres ». Donc, ça veut dire qu'il faut de l'invention dans les recrutements. Pour avoir présidé ou concouru à des jurys aussi différents que l'ENM des magistrats, la DGSE des services spéciaux, ou les futurs chercheurs de Pasteur, je me dis que nous ne sommes pas des rentiers, les fonctionnaires, vous n'êtes pas pour ceux qui sont des rentiers, mais qu'il faut avoir à l'idée qu'on est vu quelquefois là-dessus, donc plutôt qu'une rente, ben, il faut justifier l'efficacité à tout moment du service dont on nous a chargé. C'est pour ça que quand Madame Galli, vous écrivez les grands corps, agences de placement permettant à leurs membres des carrières rapides, c'est pas faux. Mais c'est partiel. Et l'idée même de fonction publique, la fonction publique de demain, l'envers de l'agence de placement, c'est l'équipe et les parrains. Si vous croyez que chez Google ou chez Bouygues, il n'y a pas des parrains, les grands patrons repèrent des jeunes, les peaufinent. Et moi, ma grande fierté, ça va d'avoir été des parrains, d'avoir déniché des gens qui ne seraient jamais montés si je n'avais pas mis la main sur leur tête. Et je ne citerai pas des noms, mais il y a des très grands fonctionnaires de responsabilité connus nationalement qui sont là parce que, contre le corps, j'ai imposé leur progression. Donc, savoir que... aller au-delà de la caricature. Troisième mot, le corps. Alors, le corps, je commence par autre chose. Vous me dites si je vous ennuie, je peux tout à fait arrêter. Hein. L'escalier est là, pas de problème. Je voudrais simplement dire que je ne prends pas le mot corps, je m'arrête un instant sur le mot, comme un mot banal. Le corps du Christ, les deux corps du roi de Kantorowicz, c'est un mot qui est psychanalytique ou psychanalytisant. Donc, le fait que la fonction publique ait été construite sur le corps, vous l'avez très bien dit, Madame Galli, c'est pas du tout sorti. Simplement, on a élargi les corps, mais l'idée de corps, la sécurité qu'il donne, c'est une plateforme, c'est un porte-avions, le corps. Et c'est tout à fait passionnant de pouvoir aller prendre son avion et risquer tout, puis après, hop, en descendant, on se retrouve dans le corps et on met son avion dans la soute du porte-avions. Donc, mais ça aussi, ça n'a de sens que si ça sert la fonction publique et le service public. Alors, dans l'encyclopédie, on trouve le corps politique, un être moral qui a une volonté. Est-ce que un corps est un être moral, en tout cas un être juridique, mais un peu un être moral, il prétend oui, toujours assurer une référence, et est-ce qu'il a une volonté, certainement, est-ce que cette volonté est perverse, possiblement, on trouve dans la grande encyclopédie de Diderot, corps de cour, ouvrez les guillemets, corps d'une compagnie de justice, les compagnies vont aux cérémonies en corps de cour. J'aime bien cette définition. Le corps montre à voir. Le corps se montre. Il va aux cérémonies en corps. Un corps confidentiel, ça n'aurait aucun intérêt. Je suis du corps des ponts. Alors là, vous commencez à vous lever. Bon. Au contraire, c'est donc au contraire d'une fonction publique d'emploi, fonctionnelle, où on est sur un emploi. C'est là que je comprends bien le mot intellectuel, je vous taquine un peu en disant j'aime pas dans le mot marché, mais je préfère le mot vivier. Alors ça fait un peu carpe de culture, bon, d'accord, mais le vivier en libre service, c'est-à-dire qu'il y a un vivier, vous en sortez, vous en sortez pas. Ceci dit, le corps reste à la base de la fonction publique, il faut pas croire qu'il a été supprimé. J'y reviendrai si vous le souhaitez. Ce qui est insufflé par la nouvelle réforme dans le corps, et moi ça me va tout à fait, c'est des durées limitées. C'est plus l'idée d'éternité. Dans le corps, c'est l'éternité. Combien de fois ai-je entendu, mais t'es rentré à 25 ans, puis t'en es sorti. Ben oui, c'est vrai. Dans le corps, conseil d'État, traditionnellement. Mais j'aime bien... les limitations de temps, et ça me gêne d'autant moins que, par exemple, j'ai concouru, quand je servais la première femme ministre de la Justice, à imposer dans un corps des magistrats, qui reste un corps, lui, c'est même le premier mot de l'ordonnance de 58 sur la magistrature, ça commence, le corps. Tout est dit. Eh bien, j'ai contribué à imposer des durées limitées de fonction, dans un corps dont la base est l'inamovibilité. Vous voyez, là, le franchissement, c'était autre chose que de traiter le corps des francs ou la préfectorale. Les magistrats étaient éternels parce qu'ils étaient inamovibles. On a dit juge d'instruction pas plus de 10 ans. Mais on a assuré un filet. Parce qu'au bout de 10 ans, si on le pénalise de tout ce qu'il a fait pendant 10 ans, donc on a dit, au bout de 10 ans, vous sortez directement en cour d'appel. Enfin, on a porté une garantie. Mais on peut, tout ça pour vous dire que c'est pas d'aujourd'hui qu'on pense le rapport entre le temps limité et les garanties. Je reviendrai sur le corps si vous voulez, Mais le corps peut être le meilleur et le pire. Le meilleur s'il concourt à la qualité du service. Le pire s'il devient un cercle fermé sur lui-même. Je viens de vice-présider pendant 2 ans le jury de l'ENM. Et j'ai été frappé de voir que le jury qui recrute l'ENM, c'est un corps quand même entre les mains duquel on peut tous se passer, il y a 2 magistrats sur 7 membres. Et il y a beaucoup de corps qui donnent des leçons de gestion qui n'ont pas des jurys aussi ouverts sur l'extérieur. Je cite ça parce que par rapport au corporatisme judiciaire, 2 magistrats sur 7. Et moi, j'étais vice-président du jury qui ne suis pas magistrat. Je ne développe pas. Mais il y aurait beaucoup encore de choses à dire sur le mot « corps » et ce qu'il implique. Mais je pense qu'on peut tout à fait gérer des corps avec en combinant à une fonction publique d'emploi. C'est le défi du corps des administrateurs d'État. Le 4e mot qui est souvent discuté, c'est le mot « carrière ». Alors, il est défini et traduit, sans qu'on soit encore sûr que la traduction change quelque chose en parcours professionnel. Et j'aime bien le livre 5 du Code général des fonctions publiques, c'est mon métier, mais il faut toujours se référer au texte, qui est intitulé « Carrière et parcours professionnel ». Ça, c'est typiquement français. C'est le « en même temps » dans la législation. Vous avez l'ancien et le nouveau. On fait un pas, mais on garde quand même son parachute. Voilà, c'est toute la politique de la fonction publique. Le titre 5 du Code général de la fonction publique, c'est tout. Alors, je pourrais continuer. Voilà, qui a beaucoup travaillé, était directeur de cabinet de deux ministres de l'Intérieur. J'ai beaucoup travaillé avec la police. Quand vous parlez à des policiers, corps et carrière, c'est un mot magique. Ça a commencé sous Pasqua, ça a duré 10 ans. La réorganisation des corps et carrières de la police, quand même important. Toutes les polices, des CRS à la police judiciaire, et corps et carrières a permis de réévaluer les corps, mais tout en gardant, c'est très français, une élite absolue sous-dimensionnée des corps de commissaires de police, parce qu'on n'a pas voulu l'élargir. On a voulu que ça soit quasiment un grand corps de la police. Donc on retrouve tous les l'éthique un peu français. Alors, la carrière, elle est bien normée, avec des entretiens professionnels, tout ça, c'est un peu ce que vous appelez la temporalité intermédiaire. Depuis 15 ans, on a matiné la carrière d'objectivation. Je suis frappé de ce qui est chéri par les corps et les responsables, c'est le recrutement. Il n'y a rien de plus important pour les tribus, les corps ou les référents de la fonction publique que leur recrutement. Alors, je suis avec beaucoup d'intérêt l'application du décret du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfets, puisqu'il n'y a plus de corps de préfets, et j'ausculte, puisque faut quand même regarder les choses, le mouvement préfectoral du 13 juillet 2023. Je le regarde, d'autant plus que j'en ai fait des mouvements préfectoraux pendant 3 ans. C'est moi qui appelais surtout les préfets qui étaient virés, parce que les préfets qui étaient nommés, c'était des personnalités plus hautes que moi. Mais moi, j'appelais les préfets auxquels on disait le mercredi, c'est terminé. C'est-à-dire que la stabilité éternelle de la fonction publique, je l'ai vécue dans des... Allez, il faut aller à relativiser, selon les tribus. Alors, qu'est-ce que je vois ? Je vois 36 postes de préfets qui ont bougé le même jour. Sur 100 postes, c'est quand même important. Et ça voulait être la démonstration qu'on entrait dans le nouveau monde. Je vois, heureusement, compte tenu des amortisseurs qui ont été mis dans le texte, il faut 2/3 de personnes qui ont fait plusieurs années comme sous-préfet. Le mouvement a été aussi, comme vous le disiez très bien, progressif. C'est pas à partir de demain, on peut choisir qui on veut comme préfet. Je vois beaucoup de préfets classiques qui changent de poste. Mais je vois un directeur d'hôpital, c'est le directeur de Strasbourg, ce qui n'est pas rien, c'est un grand patron de la FPH, monsieur Galli, préfet de la Nièvre. Je vois un conseiller des affaires étrangères, madame Claire Rollin, préfète du Lot. Alors, on pourrait discuter la subtile échelle des postes que je connais par cœur. On met quelqu'un pas directement à la région Île-de-France, si vous voulez, vous voyez ce que je veux dire. Ma famille est de l'Aveyron, donc je sais ce qu'un département vu de Paris, Aveyron, ça s'écrit comment? Enfin, oui, bon. Donc, conseiller maître à la Cour des comptes, Stéphane Bredin, préfet du Calvados, là, on est dans le département le plus important. Et puis, M. Thibault Langsade, ancien vice-président du MEDEF, industriel du numérique, préfet de l'Indre. Alors, c'est pas rien, l'Indre, Châteauroux, etc., la Châtre. Madame Lydia Girous, 40 ans, issue du parti Les Républicains, double nationalité française et algérienne, préfète déléguée en Nouvelle-Aquitaine, ça c'est déjà un profil qu'on ne trouve pas absolument spontanément, et Madame Marilyn Poulain, bureau confédéral de la CGT, syndicaliste, devenue préfet délégué à l'égalité. Alors là aussi, c'est comme quand on nommait les femmes aux affaires sociales. Là, une ancienne syndicaliste, on la met à l'égalité. Mais je caricature pas, parce que ça va donner, si elle réussit, on lui donne une chance et elle sera préfète territoriale complète. Donc, ce mouvement, qu'est-ce que j'en dis ? Ben, je trouve qu'il s'honore par une ouverture, mais comme je vous disais très bien, il y a 35 ans, on nommait, je ne citerai pas de nom, quand j'assistais au ministre de l'Intérieur, on nommait déjà des personnalités venues de la fonction publique territoriale, hospitalière. C'est pas, si j'avais à l'évaluer, je trouve que c'est un bon mouvement, mais qui ne me frappe pas par sa nouveauté. Et je me disais qu'avec les textes qui sont là, on pourrait aller plus loin dans l'originalité, c'est-à-dire des personnes à fort caractère, hommes ou femmes, puisque les 40% d'un même sexe s'appliquent à ce nouveau recrutement préfectoral. Donc c'est un peu classique, mais je trouve que c'est quand même assez intéressant. Un ancien directeur central de la police judiciaire devient préfet du Gard. Bon. Mais surtout, derrière cette façade, qu'est-ce qui est important ? Il y a 36 postes, mais il y a 16 cessations de fonction. En un seul mouvement, on sort 16 préfets qui étaient en fonction. Et c'est là que la réforme porte vraiment des conséquences. Quand il y a 35 ans, je gérais les chaînes préfectorales, on avait du mal à sortir quelqu'un qui n'était pas... Parce qu'il y a dans les règles des proportions de préfets hors poste pour pas qu'on ait 300 préfets qui ne font rien et qui sont en attente. Tandis que là, le statut d'emploi, un préfet ne donne pas satisfaction, il est immédiatement sorti, reversé dans le corps d'État. Ça permet, alors, si je suis pour, je dirais, une fluidité et une bonne gestion des qualités, si je suis contre, au revoir et merci. Et les raisons qui font qu'on dit au revoir et merci, je pourrais écrire un roman là-dessus en matière préfectorale. J'ai beaucoup de respect pour le préfectorat. Le terme intermédiaire, c'est statutaire, parce que comme vous l'avez très bien dit, donc je ne détaille pas, les statuts ont une bonne perspective encore devant eux. J'ai décrit successivement à l'actualité juridique il y a 10 ans, puis dans la revue Après-demain de la Fondation Seligman, les petits textes isolés et dispersés qui, depuis 15 ans, révolutionnent la fonction publique sans le dire dans sa globalité. C'est du grignotage qui va vers une fonction publique plus d'emplois que statutaire. Mais ça se fait très lentement et d'une certaine façon habilement, parce qu'on garde les garanties du statut, mais on permet une gestion plus dynamique avec la fonction. Mais il faut décrypter ça, et mes deux articles le font, et je ne crois pas que ça a été beaucoup fait ailleurs. Donc, les statuts continuent. Alors, il y a des hostiles. Mon excellent collègue Marcel Pochard ne perd pas une occasion d'attaquer l'idéologie statutaire. Mais moi, je trouve que c'est pas une idéologie. Ma seule question, c'est est-ce que ça sert à la fonction publique, à la qualité aux deux qualités fondamentales de tout serviteur de la chose publique depuis Dumézil, 5e siècle, ou Louis IX, Saint-Louis, au 13e. Capacité, c'est d'ailleurs le mot de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et indépendance. Je ne crois pas au yes men. Les Britanniques utilisent le mot yes men pour les fonctionnaires qui disent oui à tout. Je finis en galopant, et quatre mots qui sont portés indirectement par la nouvelle réforme, ou je le dis autrement, qui conditionnent le succès de la nouvelle réforme. Premièrement, évaluer. Dans le monde de la fonction publique, vous comprendrez quand je vous aurai dit que l'IFSE constitue l'essentiel du RIFSEF. Hein, c'est assez clair. Ça veut dire que le régime indemnitaire tenant compte des fonctions des sujets et de l'expertise et de l'engagement professionnel passe par les indemnités de fonction de sujétion et la CIA, on a bien vraiment choisi les acronymes avec beaucoup de finesse, le complément indemnitaire annuel. Mais il y a quand même en commun avec le CIA qu'on observe les fonctionnaires longtemps et qu'on sait sur les fonctionnaires des choses qu'ils ne savent pas qu'on sait. Mais je cesse là ma comparaison. Je suis, moi, pour le jeu financier, même si c'est primaire, de l'évaluation. Jeune conseiller d'État, 30%, il y a 45 ans, et ça continue encore aujourd'hui, 30% de ma rémunération variait trimestre par trimestre. J'avais l'impression d'être, quand je retrouvais ma famille, et je disais, ce mois-ci, j'ai eu 30% de moins parce que j'ai fait moins de dossiers ou des dossiers moins bien. J'avais l'impression d'être le mineur de Zola qui rentre avec sa paye et que la femme vire parce qu'il a une paye de moitié. Donc, je sais que c'est possible, à condition que ces modulations, qui sont un mode d'évaluation, soient faites collectivement. Je n'admets pas une évaluation d'homme à homme ou de personne à personne. Il faut qu'elle soit collective. Au Conseil, il y avait 10 personnes qui passaient tous les trimestres, qui passent tous les trimestres, à évaluer les 200 personnes. Parce que, comme ça, les antipathies, les coups de tabac se corrigent et c'est une évaluation collective. Mais on a absolument besoin d'évaluation. Je fais simplement deux étonnements. La fonction publique, quand même, ça bouge lentement, mais est lente à vraiment transformer l'évaluation. Moi, j'ai un pied dans deux maisons qui sont à 100 lieues de la fonction publique en général, les magistrats, qui sont évalués selon une grille tout à fait compliquée. Voilà le manuel de l'évaluation des magistrats judiciaires. Ça fait 80 pages avec le modèle des feuilles de notes, les recommandations. Et je vois que les nominations pour entrer à la Cour de cassation, etc., se font quasiment exclusivement par le CSM, c'est mon activité passe qu'à temps plein en ce moment, par 15 personnes, la moitié de magistrats, mais la moitié de personnalités indépendantes, se font exclusivement quasiment sur, devraient se faire exclusivement sur l'évaluation. Ah, moi, en 40 ans de conseil d'État, j'ai jamais été évalué. Le moindre magistrat ou le plus haut des magistrats, il est évalué. Et puis, Pasteur, alors là, le matin, je quittais le Conseil d'État où l'évaluation se fait à travers la prime trimestrielle, il y a des signaux, mais où il n'y a pas véritablement d'évaluation écrite, puis je passais à Pasteur, où les scientifiques sont évalués 3 fois par an, jamais tant en interne que par des corps indépendants. J'ai fait modifier le règlement, le statut de Pasteur pour que le Conseil scientifique passe à dominante extérieure à Pasteur. Alors avant, il était dominé par des pasteuriens. Donc j'ai dit, c'est pas possible que pour la science française, ça soit évalué par vos collègues. Donc maintenant, ça a été voté et plus de la moitié des évaluateurs sont des scientifiques mondiaux qui n'ont rien à voir ou français hors Pasteur. Donc je crois une évaluation indépendante. C'est pour ça que je trouve une grande satisfaction et intérêt, moi qui ne suis pas magistrat, à contribuer à la gestion RH des magistrats. Le mot suivant, et j'ai presque fini, diversité. Alors, on n'en parle pas beaucoup, mais quand vous travaillez un peu sur les Canadiens, vous voyez que ce qui est demandé à la fonction publique française, à la fonction publique canadienne, c'est non pas de ressembler goutte à goutte à la population, mais de ne pas avoir un écho, trop différent entre la composition de la population et la fonction publique. Je vous fais une confidence, c'est prescrit maintenant. Vous disiez, monsieur, quelquefois, on enregistre, là je le dis tranquillement, il y a bien des années, au ministère de l'Intérieur, quand on faisait des concours de gardien de la paix pour la Nouvelle-Calédonie, et qu'on savait qu'il y allait avoir 5% de Kanak et 95% de Caldoche au concours, ça ne pouvait pas nous satisfaire. C'était même un danger pour la République. Ça pouvait illustrer ce que j'ai appelé la société du dédain. Et donc, on faisait attention en donnant des consignes à la limite de la stricte légalité. mais qu'il y ait une image qui ne soit pas si différente des 50-50 Kadosh-Kanak. Hein. Quand j'étais récemment en Nouvelle-Calédonie, j'ai vu que les forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie n'étaient pas composées que de métropolitains ou de Kadosh. Ça, c'est vital pour le pays. Il n'y a pas besoin d'être canadien. Alors, j'ai vu d'ailleurs depuis que l'article 74 de la Constitution, pour les pays comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, a introduit cette transformation qu'il peut y avoir une priorité aux locaux dans le recrutement, ce qui déchire complètement le voile d'égalité de la fonction publique à la française. Donc, quand c'est dans l'intérêt de la paix publique, de la promotion sociale, de l'égalité, il faut savoir adapter ces principes. Donc, je ne suis pas j'agite pas les sonnettes diversité, diversité. Enfin, j'ai connu la première femme dans les formations au Conseil d'État. Je suis vieux, mais je suis quand même pas centenaire. Je me souviens, la première, on était une formation, je raconte juste une anecdote. Ça va, je suis pas trop long? Bon, je termine dans une minute. Bon, alors je raconte pas mon anecdote. Bon, c'est parce que vraiment vous me le demandez. J'étais dans une chambre qui faisait le contentieux de la responsabilité hospitalière. Et j'étais devenu, au moment où j'avais mes enfants, je cachais ça à ma femme, le spécialiste de la fibroplasie rétrolentale. C'est-à-dire que quand les boîtes où on met les bébés pour les couveuses. Quand les couveuses étaient mal réglées, on insufflait trop d'oxygène, ils perdaient la vue. Donc c'était mal. Donc, et la responsabilité de l'hôpital pouvait être engagée. Et on était 10 hommes pour discuter de la maternité, de l'accueil de l'enfant, etc. Quand la première femme est arrivée, elle avait une expérience qu'aucun des 10 hommes n'avait. C'est pas... Et ça a quand même un petit peu transformé le contentieux des accidents de maternité. C'était un peu ridicule, objectivement, de pas avoir une formation diverse, comme le tour extérieur, dans un autre type, nous apporte, quand on siège avec un ancien chef d'état-major des armées à côté de quelques anciens élèves de l'ENA, et qu'on a un contentieux militaire, évidemment... C'est bien d'avoir des gens qui sont pas tous sur le même modèle. Donc diversité me paraît vitale pour la fonction publique. Dans les équipes que j'ai constituées pour, j'ai eu un magistrat boursier qui venait d'un milieu très simple. J'ai eu un préfet qui avait commencé 10 ans comme aide-garagiste. J'ai eu une conseillère à la Cour de cassation qui était infirmière dans une première carrière. Faut pas croire à l'uniformité et qu'office de pape dans la fonction publique. Je pourrais illustrer de maints exemples de gens qui ont une épaisseur. Et il faut se méfier des jugements. Vous étiez pas né en 1977, mais je venais d'entrer au Conseil d'État et la grande sociologue italienne Marie Antonietta Macchiocchi a fait un ouvrage intitulé tout simplement « De la France ». Il faut y aller. Vraiment, pourquoi pas ? De l'action publique. Et « De la France ». Et là, elle a pris une promotion de l'ENA, c'est pour ça que je vous en parle, la mienne. Et elle a voulu montrer qu'on était tous fils de pape. Alors elle a pris le major, fils de banquier, le deuxième, fils d'amiral, c'était vrai, le troisième, fils de ministre, c'était vrai. Elle est arrivée au cinquième, fils du directeur des impôts. Ça voulait dire, pour tous les lecteurs, que j'étais le fils du directeur général des impôts, fils de la haute technocratie. Et je suis fils, effectivement, d'un inspecteur des impôts, entré à 18 ans dans l'administration comme surnuméraire, avec le bac, qui a fait une carrière qui a fait, enfin... Vous voyez, le préjugé. Je ne pouvais être qu'un fils de, un fils de. Donc, je me méfie de ce rapport à la diversité, mais c'est absolument indispensable. 8, je mentionne, et puis j'ai fini, la culture de la politique. Alors là, je cite une seule chose. Vous avez cité le civil service. Eh bien, regardez le civil service code. Et il a cette formule que j'ai appliquée, que j'ai fait appliquer à des tas d'amis et de jeunes collègues. Quand vous parlez, vous, fonctionnaire à un politique, imaginez qu'à ses côtés, il y a son opposant. Et vous verrez que vous lui parlez de manière différente. Je trouve ça absolument génial. Et ça résume pour moi la bonne culture du fonctionnaire face à un politique. Il n'est pas servile. Il ne court pas après le politique du moment en disant qu'il est d'accord. Il dit la vérité, sa vérité, mais il le dit au ministre de droite en pensant qu'il y a son principal opposant de gauche à côté. Et faites le test, vous verrez que votre discours ne sera pas le même. Donc il faut avoir réfléchi au rapport à la politique. Je n'ai pas de temps. Il faut aussi penser, quand on est fonctionnaire et qu'on veut faire une carrière diversifiée, y compris dans la préfectorale, penser à ce que Constantin Melnik, le conseiller de Debray, appelait les hommes de force. Il faut ne pas être fasciné par la force. Ça vaut pour l'intérieur, pour la justice, pour les finances, pour les hôpitaux, pour le service public a un côté force, autorité. Il faut être bien clair dans sa tête pour faire un bon fonctionnaire. Et puis, neuvième, et j'ai fini, le fonctionnaire ne se conçoit que comme libre. Dans mon livre sur la déontologie des fonctions publiques, j'ai souhaité mettre une obligation de non-réserve. On nous parle beaucoup de l'obligation de réserve, bien entendu, et c'est juste, mais un fonctionnaire doit aussi avoir une obligation de non-réserve, une obligation d'alerte, une obligation de contradiction à l'instruction qu'il va recevoir. Mais jamais pour dire « je n'appliquerai pas », mais pour dire « vous me demandez A, je vais appliquer A si vous me réitérez l'ordre, je vous dis, c'est mon devoir, que B et C sont meilleurs, pour telle et telle raison ». L'autorité politique écoute, s'il réitère A, on exécute ou on change de fonction. Mais il y a cette petite étincelle nécessaire qui fait que les fonctionnaires peuvent s'honorer du mot de serviteur, mais jamais de servile. Et ce que je dis n'est pas du tout en l'air, c'est une vraie question. Voilà, j'ai terminé et je vous épargne ma conclusion sur la manière de parler qui résulte de tout ça des fonctionnaires. Tout ce dispositif de réforme n'est fait à mes yeux que pour servir, et pour l'instant je trouve qu'il y a de bonnes choses, n'est fait que pour servir la capacité et l'indépendance intellectuelle du fonctionnaire. Je vous remercie.